Ah, oh, shit. Here we go again. Gaming. Bandicoot Power! Et politique. Do a barrel roll! Welcome to the jungle. Gaming et politique. There are no good gods, boy. Et oui, c'est le pré-retour de Gaming et Politique pour la semaine spéciale organisée par Samuel. Et merci Samuel d'ailleurs de m'accueillir et m'accompagner pour cette semaine thématique Furania sur Saint-Étienne. Alors j'avoue que quand tu m'as proposé de lier l'émission Gaming avec l'histoire de Saint-Étienne, je ne savais pas trop par quel bout choper le truc. Les trucs qui me venaient un peu d'instinct comme ça, c'était de parler de la boutique Fighter qui avait en face... de la fac Jean Monnet, voilà, une grande époque. Il y avait une énorme figurine du Master Chief à l'entrée. Ça pétait un peu la classe. Mais bon, on aurait vite fait le tour. Mais en cherchant un peu, j'ai compris qu'il se passe des choses quand même dans notre ville en matière de gaming. Alors, je suis allé interviewer le studio Angel Corp, qui est le seul et unique pour l'instant studio de développement de jeux vidéo en terre ligérienne. J'ai pu poser quelques questions, malheureusement uniquement au directeur et au communicant marketing. Bon, bah, ça reste quand même une entreprise. Ils avaient peut-être peur que je leur fasse une Élise Lucet, tu vois, une enquête exclusive. En tout cas, ils ont répondu à nos questions. Fabien a bien voulu m'accueillir chez lui. Et par la suite, on aura au téléphone Lina, qui faisait partie de l'équipe de Gaming et Politique à la première saison, pour nous parler du Peng Peng Club. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, toi. Ça te dit quelque chose ? Non, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi alors ? Elle va nous le dire mieux que moi, mais en tout cas, c'est une asso qui a organisé la Game Jam à Saint-Étienne. Ça, tu en as peut-être entendu parler. Ouais, c'était quand ? C'est une très très bonne question à laquelle répondra Lina, mais que je n'ai pas la réponse. Je crois que c'était en février l'année dernière, si je ne m'abuse. Et c'était une semaine complète où en fait, ça mobilise des codeurs et des codeuses, professionnels ou amateurs d'ailleurs, qui pendant une semaine doivent créer un jeu. Voilà, dans ce court laps de temps, ils créent leur propre jeu. Et ça se finit au Méliès, où tout le monde, Méliès Jean Jaurès, où tout le monde montre ses créations les uns aux autres à l'issue de cette semaine. Mais encore une fois, Lina vous l'expliquera mieux que moi. Et puis bon, dans tout ça, au milieu de toutes ces interviews, on pourra peut-être papoter un peu, parce que je crois que tu joues un petit peu, Samuel, toi, non ? Je suis un peu un joueur invétéré qui sait de se soigner un peu. Ah ouais, ouais. T'es en rehab du gaming. Ok, ok. Tout de suite, une chanson de Tenacious D. Jack Black et Kyle Gass, les très connus, qui ont fait dans leur dernier album une chanson qui chante, qui vante les louanges du jeu vidéo. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5, c'est Gaming et Politique. Are you plugged in? Yeah. All right, ready? 1, 2, 1, 2, 3. I don't play video games no more. I never play video games. Except for a little bit of God of War. I never play video games. Maybe once in a while, a little bit of Fallout 4. But that's okay, not right now. I got things to do. Cause I don't play video games no more. Never play video games. But Red Dead Redemption 2, that is not a game. Journey through old American history, fighting for your life and fighting for your family. Try to live your days with honor and integrity. That's not a game, that's an adult thing. That's not a game at all. That's like fucking Shakespeare. Freaky. C'était donc Tenacious D pour Video Games, leur chanson qui dit au début que bon, ils jouent pas vraiment aux jeux vidéo, mais quand même, ils jouent un peu à Red Dead, mais en fait, ils jouent aussi un petit peu à d'autres jeux comme GTA. Et en fait, il s'avère que c'est un énorme gamer, Jack Black. Tout de suite, une interview du coup de Angel Corp, comme je vous le disais en introduction, le seul studio pour l'instant de jeux vidéo à Saint-Étienne. Je lui ai demandé d'où venait le projet, la genèse, un petit peu d'où lui venait l'envie, l'idée de créer ce studio. Donc c'est Fabien Tolo, c'est le directeur et aussi vous verrez celui qui a eu l'idée de ce projet, de cet univers qu'ils ont créé de toutes pièces. Mais voilà, il va vous l'expliquer dans cette interview. J'ai eu l'idée d'un personnage qui me plaisait bien. J'ai commencé à construire un univers autour de lui, avec ses amis, ses pouvoirs magiques. Et puis petit à petit, c'est devenu le scénario d'un roman, puis d'un cycle de romans, puis d'un univers complet. En parallèle des études, la vie professionnelle, familiale. Et je fais ça pendant une vingtaine d'années. Et quand l'histoire était bien avancée, je me suis dit, est-ce que je la propose à des éditeurs de manière classique, ou est-ce que je crée ma boîte sur cette base? Et puis du coup, en discutant avec le réseau Entreprendre, ils m'ont accompagné pour créer l'entreprise et puis pouvoir publier nos livres et aussi travailler sur l'adaptation en jeu vidéo. Ok. Ah ouais, donc ça venait à la base d'une envie de, fiction, mais c'était pas forcément le média jeu vidéo que tu préconisais avant de l'avoir écrit, quoi. Je l'avais en tête dès le début, mais je savais que ça serait beaucoup plus de travail, que ça serait des finances plus importantes. Mmh. Et en fait, pendant toutes ces années où j'ai créé l'univers, j'en ai profité aussi pour étudier comment fonctionnait le secteur économique des industries créatives. Et puis je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait, c'est souvent comme ça, ce qu'on appelle le transmédia. C'est des univers, des histoires qui sont racontées sur plusieurs médias, qui vont se compléter les unes les autres. Génial. C'est un petit peu le Toloverse, quoi, le fameux Toloverse. Si on veut. Alors, il ne s'appelle pas comme ça, ça s'appelle l'univers de Tenebrae. Ok. En latin, ça veut dire ténèbres, hein, tout simplement. Parce que c'est un monde qui est assez sombre, assez violent. Il y a pas mal de parallèles avec notre univers. Je vais faire le lien aussi avec la thématique de l'émission, c'est que ça permet de dénoncer certaines choses au niveau politique, au niveau social. Le héros de l'histoire, donc Phobos, c'est mi-ange, mi-démon. Mm-hmm. Donc il y a une part d'ombre et de lumière en lui, il y a une dualité qu'on retrouve finalement chez tous les êtres humains. Et au cours de son histoire, il peut basculer d'un côté ou de l'autre en fonction des rencontres qu'il va faire. Et on suit son enfance, son adolescence, et justement à l'adolescence, il va se retrouver dans une sombre ville qui est dirigée par la dictature des mages noirs. Et ils vont le capturer, lui laver le cerveau et l'enrôler à leur service. Il se retrouve à l'école des lames, avec d'autres jeunes adolescents qui ont des pouvoirs magiques, des pouvoirs de combat. Et il se retrouve au service de ces mages noirs, sans bien se rendre compte finalement qu'ils ne sont pas forcément du bon côté, parce qu'eux, ils pensent qu'ils défendent la ville, ils défendent ses habitants, mais finalement, ils sont aussi là pour servir la dictature. Et petit à petit, ils vont prendre conscience de cet état de fait, se rendre compte que le monde n'est pas manichéen, c'est pas tout noir et tout blanc, mais il y a énormément de nuances de gris. Et j'en dis pas plus. Il faut lire le livre, il faut jouer au jeu. Comment s'appelle le jeu? Moi, je le sais, mais c'est pour le dire. Oui, le jeu vidéo s'appelle Blade Prince Academy, donc l'Académie des Princes Lames. C'est son deuxième nom, en fait, parce qu'il y avait un premier nom au début du projet, qui était vraiment le nom provisoire du projet, qui s'appelait Wicked Eons. Mais en début d'année 2023, en accord avec notre partenaire, l'éditeur de jeux vidéo, on a changé le nom pour trouver quelque chose qui colle plus au contenu. Wicked Eons, c'était un petit peu obscur, alors que là, Blade Prince Academy, ça décrit vraiment qu'on va jouer ces jeunes héros adolescents qui sont à l'académie. Mmh. Et puis ça a permis aussi de faire un reset sur Internet, puisque finalement, si on cherche Wicked Eons, on retrouve toutes les vieilles images de 2020 qui sont un peu moches. Alors que maintenant, quand on cherche le nom du jeu... Je trouve ça charmant, mais... Ouais, c'est les premiers concepts, hein, mais il faut quand même en être fier. Ouais, mais c'est vrai que pour le marketing, maintenant, quand on tape le nouveau nom, on tombe sur les créations de 2023, donc qui sont beaucoup plus abouties. Et donc forcément, pour des joueurs qui voient passer des milliers de jeux... Ils peuvent pas se dire est-ce que c'est l'image d'il y a 3 ans ou est-ce que c'est l'image actuelle. Donc il vaut mieux tout de suite leur montrer des choses plus sympas. Ok, donc là le jeu est terminé, le jeu est achetable ou pas encore? Pas encore, ouais. Exactement. Il y a peut-être une version bêta ou... Alors il y a régulièrement des démos. Okay. C'est des sortes de bêta effectivement qu'on propose aux joueurs sur Steam. Là on est en train de regarder peut-être pour les dans les semaines à venir pour en proposer une. On pourra revenir sur qu'est-ce qu'est Steam. Ça sera intéressant pour les auditeurs. Et la sortie est prévue plutôt début 2024, hein, puisque pour que le jeu sorte, il faut que la production soit terminée, la partie créative, mais aussi que la campagne marketing soit bien lancée et que le jeu ait attiré suffisamment d'attention pour pouvoir toucher son public. D'accord. Oui, je précise aux auditeurs et aux auditrices que Steam, c'est une plateforme d'achat de jeux qui vont de tous les types de jeux, hein, des jeux AAA aux jeux aux productions indépendantes. Je ne sais pas si vous devez rendre des comptes à Steam d'ailleurs. Est-ce que vous leur devez leur payer une part quelque chose? Alors oui, bien sûr. Ouais, c'est comme ça qu'ils vivent en fait. Il faut l'imaginer comme une boutique en ligne, mais gigantesque, où je crois qu'il y a 1 milliard de comptes qui sont créés. Et parfois, il y a plus de 20 millions de joueurs qui sont connectés en même temps sur la plateforme. Mais c'est parce qu'il y a des milliers de jeux, en fait. Donc, c'est quelque chose de colossal qui est vraiment à l'échelle planétaire. Et donc, ils prennent 30% sur les ventes, ce qui est finalement classique dans la distribution, hein, si on compare avec d'autres secteurs économiques. Ils nous permettent d'amener nos jeux devant les joueurs qui pourraient être intéressés, et puis de le télécharger facilement, de le mettre à jour facilement, d'animer un petit peu la communauté. Le fait qu'il y ait énormément d'utilisateurs, j'imagine que si ça permet d'avoir accès à un réseau de joueurs qui est quand même gigantesque, c'est aussi tout bénéf pour vous. C'est sûr. Il faut quand même faire beaucoup d'efforts pour que les joueurs sur la plateforme le voient parmi d'autres, mais ça aide beaucoup les choses. Et aussi, c'est plus écologique et c'est moins un cauchemar logistique que, on va dire, l'ancien temps, entre guillemets, où les jeux étaient tous matérialisés par des cartouches, des CD qu'il fallait fabriquer, qu'il fallait envoyer partout, des disquettes. Ouais. Quand j'étais jeune joueur, c'était des disquettes. Et c'est vrai que le fait que ça soit entièrement dématérialisé, ça enlève cette fabrication matérielle, finalement. Ça réduit les coûts, ça permet finalement de router une partie des coûts plus sur les salaires des personnes. On pourrait y revenir, mais dans la création d'un jeu vidéo, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est clairement les équipes de création. Oui. Donc de rémunérer ces équipes-là plus que d'éditer le jeu à proprement parler, c'est ça que tu veux dire? Ce que je voulais dire, c'est que dans le temps, il fallait allouer un budget pour faire des disquettes, des cassettes, des CD. Il fallait les transporter de partout. Il fallait gérer la logistique, voilà, toute cette partie distribution. Alors que maintenant, c'est centralisé sur... alors, il n'y a pas que Steam, il y a aussi d'autres plateformes qui existent, mais c'est centralisé sur cette plateforme. Du coup, on réduit tous ces coûts-là, tous ces coûts de distribution, qui peuvent être utilisés pour d'autres choses. Alors, en fait, je ne t'ai pas trop expliqué qui on était. Vas-y. Je te la fais rapidos. Gaming et politique, donc on a une émission sur Radio Dio, donc une radio libre et indépendante de Saint-Etienne, que tu connais. Yes. Et on a fait une saison 1 l'année dernière sur une envie qui venait plutôt de moi, mais qui est assez commune avec Marie, avec qui on coécrit l'émission. D'accord. Qui était de prendre le jeu vidéo comme tout autre média, avec aussi ces questionnements politiques, donc au sein des studios, mais aussi dans les jeux, dans les représentations. On a eu la chance d'interviewer tout un tas de chercheurs, de chercheuses, de professionnels du milieu. Voilà, on a fait une saison 1 bien remplie. Et en fait, là, Radio Dio pour la saison 2 nous propose une émission spéciale. D'accord. Sur Saint-Etienne. Super. Donc, c'est une semaine qui s'appelle Furania, comme l'ancien nom de Saint-Etienne au Moyen-Âge, peut-être même avant. Et donc, c'est pour ça que je me suis mis... on se posait des grosses questions comme ça sur la saison 1, un peu des choses sur les gros studios ou sur les grosses recherches. Oui. Et en fait, on a pas jamais pensé à regarder sur Saint-Etienne, alors que vous étiez là, quoi. Vous étiez juste à côté. Et du coup, justement, par rapport à ça, Saint-Etienne, cette ville-là, quel attachement? Est-ce que le studio a un attachement particulier à la ville? Est-ce que c'est plus une opportunité pour vous d'être ici ou... Voilà, quel est ce rapport-là? Oui, mais je vais répondre avec grand plaisir. C'est que moi, je suis né à Saint-Etienne il y a 41 ans. J'ai quelques décennies. J'en suis parti un petit peu pour les études et puis j'y suis revenu pour le travail. Mon premier travail était à Paris, puis Lyon, puis Saint-Etienne. Et quand j'ai voulu créer mon entreprise, pour moi, c'était une évidence de le créer ici. C'est là que j'ai mes attaches. Et c'était aussi pour combler un manque, le fait qu'il n'y ait pas de studio de jeux vidéo, d'envergure en tout cas, à Saint-Etienne, alors que, bon, mais bien sûr, il y en a des dizaines à Lyon, il y en a plusieurs à Clermont-Ferrand, à Annecy, qui sont des villes plus petites en population que Saint-Etienne. Et du coup, ça faisait partie du challenge de se dire, on va essayer de créer quelque chose ici. Et on a été très bien soutenus par la ville, la métropole, l'écosystème entrepreneurial qui s'est dit, ah oui, bah, voilà un projet original. Effectivement, pourquoi pas, pourquoi ne pas avoir des jeux vidéo à Saint-Etienne. Je ne sais pas si dans tes recherches, tu as vu d'autres studios, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui émergent, mais qui sont peut-être un peu plus discrets. J'ai rien trouvé, j'ai pas creusé beaucoup, mais pour l'instant, non, j'ai vu que vous. Ouais, ouais. Après, je connais des créateuristes, mais qui sont chez eux, qui font leur jeu, tu vois, qui plus mettent... en indépendant. Je coupe rapidement l'interview, retour en live pour vous préciser que le prochain interviewé sera Vincent, qui est le gérant marketing et communication d'Angel Corp. Voilà, je remets l'interview. Au cours de notre aventure, hein, ces quelques années depuis la création d'Angel Corp, on a pu faire des rencontres aussi de jeunes créateurs qui ont envie de lancer des choses. Et donc, il est possible qu'il y ait des nouveaux projets qui émergent à l'avenir à Saint-Etienne. Et je me demandais... on va revenir un peu, désolé, je pose des questions complètement pêle-mêle. C'est un peu le bazar, excuse-moi. Toi, du coup, tu es donc le directeur de l'entreprise, mais aussi le directeur créateur, puisque c'est toi qui as eu l'envie initiale de créer cet univers de Tenebria. Donc, tu collabores avec, j'imagine, d'autres artistes, créateurs, créatrices vidéoludiques. Et comment ça se passe, cette collaboration, toi, en tant que, comment dire, tête pensante et les personnes qui sont aussi des artistes, créateurs, créatrices au sein de l'entreprise. Tout à fait. Alors, il y a un double rôle, puisque je suis à la fois le fondateur et le dirigeant de l'entreprise. Donc, je m'occupe de la partie gestion, finance, ressources humaines, stratégie. Et j'ai aussi mon côté créatif, puisque j'ai créé l'univers de Tenebrae. Et je jongle un peu entre les deux. Pour être transparent au quotidien, c'est plutôt le côté dirigeant qui m'occupe. Et pas assez à mon goût le côté créatif, mais ça fait partie du jeu. Et en fait, au démarrage, je me suis dit, c'est un projet qui était ambitieux, donc il faut constituer une équipe. Donc j'ai recruté un premier salarié, Alexandre, qui est game designer, donc c'est un petit peu l'architecte du projet. Okay. Puis un profil plus artistique, Ilona, donc responsable artistique, qui a commencé à mettre en image les personnages qui étaient d'abord dans mon imagination, puis sur le papier, leur donner vie de manière illustrée. Puis un développeur, Théo, pour commencer à coder tout ça. Puis Vincent, que tu as vu tout à l'heure. Qui plus soit la partie marketing. Okay. Finalement, c'est toutes ces compétences qu'il faut aller chercher pour pouvoir avancer ensemble sur un projet. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'un projet qui naît dans une seule tête, ça devient quelque chose de collectif, puisque chacun va apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Et l'équipe a bien grandi. Là, actuellement, on a une douzaine de salariés, puis une quinzaine de freelances répartis un peu partout en France. Ok. Tu leur laisses quand même la possibilité de proposer leur touche, leur vision créatrice dans l'univers que toi tu as pensé à la base. Exactement, on va dire qu'il y a un cadre qui est défini, oui. Mais après, en cours de création du jeu, on a eu souvent des discussions de se dire tel personnage, parce qu'il y a énormément de personnages dans le livre, mais on ne peut pas en mettre autant dans le jeu vidéo, donc tel personnage, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le fait pas? Tiens, on va peut-être en créer un nouveau qui véhiculerait des valeurs un peu différentes. Et ça fait vraiment partie du travail collectif. Ouais. Ok, c'est très chouette. Comme je te disais, gaming et politique, donc on essaie de prendre un prisme politique. Donc on parle de questions d'inclusion, de parité, de racisme, en fait de plein de sujets sociétaux comme ça, qui n'échappent pas au milieu vidéoludique, comme tous les autres médias. Et je me demandais si c'est des questions que vous, au sein de l'entreprise, vous posiez, toi en tant que directeur. Oui, c'est essentiel quand on est entrepreneur, de se poser ces questions pour faire bien les choses. Et puis aussi, on a à la fois la malchance et la chance d'être dans une industrie qui est particulièrement touchée par ces questions, puisqu'il y a eu pas mal de scandales ces dernières années, notamment dans des grosses boîtes. Hein. Des personnes à des postes de pouvoir en abusaient. Et du coup, au niveau de l'association régionale qui s'appelle Game Only, il y a eu l'impulsion de créer une charte qu'on appelle QVT, la qualité de vie au travail, justement pour éviter tous les problèmes de crunch, de trop de travail, de stress, d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et puis, il y a une volonté aussi de mettre en place des garde-fous pour éviter les pratiques de harcèlement et ce genre de choses. La chance qu'on a, c'est que, comme tu l'as vu en bas, on a un tout petit studio où, du coup, on est tous en contact les uns avec les autres. Moi, je suis le vieux, entre guillemets, avec ma quarantaine, mais le reste de l'équipe ont entre 19 et 26 ans. Donc, ils sont jeunes, ils sont de la même génération, ils se comprennent. Et on n'a jamais eu de soucis par rapport à ce genre de pratique. Après, sur l'inclusion aussi, on essaie d'être très ouvert. C'est pas le premier critère quand on va recruter. Bien sûr, on regarde toujours les compétences, la motivation. Mais forcément, c'est en 2023, c'est des critères qui sont à prendre en compte. Ouais. Ok. Donc finalement, en fait, c'était Fabien Tolo que vous avez entendu. Maintenant, c'est Vincent de l'équipe marketing que vous allez entendre. Triple A comme Arkane ou quoi, j'imagine. Hein. Ouais. C'est quand même globalement plein de choix qui doivent se faire artistiquement, en fonction, entre guillemets, des réalités, ou en tout cas, des conventions en cours dans le jeu vidéo, la mode et l'économie aussi du marché. Quoi. On reste quand même une entreprise, donc il faut qu'on puisse vivre, payer les salaires. donc il faut quand même faire des projets qui soient minimum rentables. On aimerait tous, je pense, partir à fond dans nos délires et faire des choses qui nous plaisent sans se retourner, sans calculer un peu les choses. Aujourd'hui, on est obligé de le faire, hein. C'est une réalité. Mais on essaie de laisser un maximum de liberté à la partie créative. On avait organisé un séminaire d'été où on avait donc pendant 2 jours fait des ateliers sur mesure. Donc c'était donc Baptiste que tu as pu voir tout à l'heure et moi on avait organisé ça. Donc c'était donc 2 jours d'ateliers hyper créatifs avec plein de phases de projet et en fait à la fin on devait créer un jeu vidéo. Enfin chaque groupe devait créer un jeu vidéo et on a mélangé les équipes. Enfin c'était assez sympa parce que les équipes il y a des personnes qui sont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, qui communiquent pas toujours au sein de l'entreprise. Et du coup ça permet de mélanger tout le monde, créer un projet un peu sympa, hyper créatif. Et donc là il y avait aucune limite. Donc ça donnait des trucs fort sympathiques d'ailleurs qu'on va peut-être pouvoir réutiliser dans le futur. Et puis ça permet aussi de partager des moments où, qu'on ne pourrait pas forcément partager à l'entreprise. Donc voilà, c'était l'interview de Fabien Tolo et Vincent de l'équipe marketing, enfin respectivement le directeur et le gérant de la communication et du marketing de Angel Corp. Je le rappelle, le seul studio de développement ligérien. On fait une petite pause musicale avant de reprendre pour papoter un peu avec Samuel autour du jeu vidéo à Saint-Étienne. Et c'est le thème principal d'un petit jeu pas très connu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Et c'est tout de suite sur Radio Audio 89.5. Je vous laisse profiter de ce magnifique morceau. c'était le thème principal de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui est sorti sur Switch cette année, en 2023, il me semble bien. J'espère que ça vous a plu. Ça va, Samuel ? Oh, je crois que je t'ai pas mis le micro. Ouais, ça va. Ouais. Tu as joué, toi, à Zelda ? J'y ai joué sur Nintendo 64, mais c'était la fin de ma période console, du coup c'était il y a longtemps. Ah ouais, t'étais passé de la console de salon à l'ordi quoi, au bout d'un moment. Non, j'ai jamais joué sur ordi, moi j'étais plutôt un joueur de jeux vidéo sur console. J'ai commencé à jouer sur Master System 2. Wow. J'ai jamais fini Alex Kidd, joué Alex Kidd, Sonic, Speedball 2, des trucs comme ça. Après, j'avais pas un budget non plus de ouf. Du coup, j'ai pas acheté beaucoup d'autres consoles. Après, mon frère a eu la PlayStation. On a joué un peu à la PlayStation. C'est la grande époque de FIFA 98. Ouais. C'était quoi d'autre ? C'était Gran Turismo. Les Metal Gear Solid, peut-être. Non, vous étiez plutôt jeu de sport. Mon frère était à fond jeu de voiture. Hein. Ouais, c'est ça. Et voilà, et après, avec une bande de copains, on fumait des joints et on se faisait des grosses parties sur, notamment sur N64. Il y en avait un qui avait une N64 et on se faisait des parties de folie sur Wipeout, sur Super Mario Kart et GoldenEye aussi, parce que du coup, la particularité de la N64, c'est qu'on pouvait jouer à 4 en écran partagé, et ça, c'était assez fou. Premier FPS multijoueur GoldenEye qui a marqué une génération de ouf, quoi. C'était incroyable, ça. Et oui, tu disais que tu n'avais pas des budgets limités non plus pour avoir des jeux. C'est quelque chose qu'on a abordé dans la saison 1, qu'on espère pouvoir... C'était Lina, d'ailleurs, qui en avait parlé, qu'on aura au téléphone plus tard. C'est un coût, en fait, d'être un gamer, et le fait d'avoir une console aussi, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on peut penser aussi le jeu vidéo avec du low-tech, ou avec... est-ce qu'on peut jouer sur des bécanes qui datent un peu, et comment on peut réinventer le jeu vidéo comme ça ? C'est des questions qu'on s'est posées, qu'on se reposera, je pense, cette saison. Et ben alors moi, c'est marrant parce que après... je pense, pour vivre aussi une vie sociale comme ça, j'ai un peu laissé les jeux vidéo. J'ai fait exprès de ne pas y jouer pendant un temps pour rencontrer le monde et puis pour organiser des concerts, faire plein d'autres choses. Et je dirais que j'ai redécouvert le jeu vidéo parce que comme j'avais toujours ce truc un petit peu de... que j'aime bien le temps que j'y passe et tout ça, notamment à partir des jeux libres. Et notamment, moi, j'ai un peu cherché... parce que du coup, j'installais Ubuntu chez moi ou Debian. Et du coup, j'ai un peu cherché de ce côté-là. Du coup, par exemple, dans les jeux que j'avais essayés, moi, j'avais bien aimé Super Tuxcar, qui est un équivalent de Super Mario Kart, qui est entièrement libre et gratuit, qui tourne sur de n'importe quelle bécane. Comme ça, t'as pas besoin d'une bécane spécialement gourmande. Il y a un équivalent de Doom aussi, qui pique un peu, qui est un peu trop pixelisé. C'est vraiment le Doom vieille école, comme ça, et ouais, qui, avec les gros pixels et tout. Tu peux juste tourner la caméra en latéral, tu peux pas regarder de haut. Ouais, c'est ça. Et par contre, il y avait moi, j'adore les jeux de plateforme. C'est aussi générationnel, c'est aussi que j'ai grandi aussi avec ça. Et il y avait 2-3 jeux de plateforme, notamment un Super Tux qui était pas mal, qui était un équivalent de Super Mario. Et voilà. Et dernièrement, là, j'ai aussi pas mal expérimenté aussi les jeux libres sur téléphone portable et sur Android. Ce qui n'est pas si facile à trouver, parce que alors, du coup, forcément, il y a le modèle freemium derrière, c'est-à-dire que les jeux, ils ont tous l'air apparemment gratuits. Oui. Et que j'ai découvert, par exemple, ce truc horrible quand on est joueur, de payer 2 euros ton évolution. Moi, je suis un têtu, hein, c'est-à-dire que je peux passer beaucoup beaucoup de temps. S'il faut accumuler 5 millions d'anneaux, et ben je vais essayer de les accumuler et machin, ça y a pas de problème. Ouais. Mais il y a des fois c'est impossible l'objectif et t'es obligé de payer, et du coup ça me rend vert de rage. Du coup je désinstalle directement l'application, et voilà. Mais dans les expériences de jeux libres un peu sur téléphone comme ça, ou qui fonctionnent sans publicité et qui sont gratuits, bah par exemple là j'ai encore sur mon téléphone, et je conseille par exemple Pixel Donjon. Ah qui oui. est une sorte de jeu assez fou où en fait les niveaux ils se régénèrent, et on est sur un jeu de donjon où on explore les donjons. C'est un jeu un peu pixel art et tout ça, qui est assez chouette. Je conseille aussi Alto, qui est un jeu de un peu surprenant où on joue avec une. C'est un jeu en 2D et on balade un surfeur comme ça dans des dunes de sable. Et le jeu est hyper beau, la musique est très très belle, il est assez zen comme ça, l'esthétique est très marquée. Et le jeu est assez sympa. Et après, je conseille aussi un jeu qui s'appelle Stranger Things, qui est pareil, un jeu un peu à la Zelda. Alors lui, il est assez énorme. Adapté de la série, j'imagine. Adapté de la série. Ouais. Et il est assez dur à finir. C'est un jeu typé un peu technique, comme ça, là. Ok. Je sais que les ados à qui je l'ai conseillé, un peu vert de rage, ils s'arrêtaient assez vite. Moi, j'ai réussi à le finir, mais parce qu'encore une fois, je suis un têtu et que je fais partie aussi de cette école des jeux type Alex Kidd et tout, qui était presque impossible à finir sans avoir la liste des solutions et des endroits où il y avait toutes les vies cachées. Où les sauvegardes étaient rares et précieuses aussi, peut-être. Ah bah même sur Master System, il n'y avait pas de sauvegarde. Tu laissais ta console allumée et si tu ne savais pas où étaient toutes les vies cachées, et ben à la moindre erreur de mouvement, du coup, tu perdais une vie et il te fallait vraiment que tu saches où sont toutes les vies cachées, quoi. Oui, ou tu reprends à zéro et t'es reparti pour 5 heures de jeu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, bah merci pour tous ces conseils. Pixel Dungeon, Alto et Stranger Things sur téléphone. J'avoue que moi, je suis pas du tout un gamer téléphone. Je sais pas. Je crois que j'aime bien avoir mon petit clavier ou ma petite manette à la main, mais je vais essayer, tiens, je vais m'y coller sur tes bons conseils. Et alors moi, ça me donne envie de renverser un petit peu l'interview. Du coup, c'est la saison de Gaming et Politique qui recommence. Vous avez fait une saison l'année dernière sur Radio Dio. Et qu'est-ce que vous avez un petit peu pour mettre en appétit un peu les auditeurs et auditrices? C'est quoi un petit peu vos envies d'émission là pour la saison qui attaque? Eh ben, pour la saison qui arrive, donc qui reprendra le dimanche 26 novembre à 19h, et ce sera tous les derniers dimanches du mois à partir de ce moment-là, on a envie de changer un peu la formule, parce que première saison, on était plutôt sur une formule où on prenait des thématiques qui étaient assez larges et vastes, et en fait, on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas épuiser des sujets aussi énormes en une heure d'émission. Des exemples un peu des thématiques que vous avez abordées la dernière saison? Alors, on a fait, donc, premier épisode, c'était sur le racisme dans le jeu vidéo, donc dans les représentations, pas dans les studios, mais plutôt dans les images véhiculées dans les jeux. On a fait un épisode de genre et jeux vidéo en deux parties. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait... je ne sais plus. Mais ça va me revenir au fur et à mesure. Et là, on s'est dit que pour la saison 2, plutôt que justement englober comme ça les grosses thématiques, on va plutôt venir avec un sujet qui nous tient à cœur, qui est en lien toujours avec les questions politiques, les questions sociales. Et on fait soit une discussion, soit un jeu, soit une petite chronique autour d'un sujet que nous tient à cœur. Par exemple, je sais que Alex... Donc, qui est notre nouveau participant à l'émission, de son nom, son surnom, Avril Lagouine, aimerait bien, par exemple, faire une chronique sur pourquoi il pense que Link est un personnage non-binaire. Il a cette théorie, il a en jouant au dernier Zelda, il a pressenti cette chose et il va en parler. Moi, j'aimerais bien parler, par exemple, de pourquoi Metal Gear Solid, je pense que c'est une fable antimilitariste qui a marqué toute sa génération. Donc voilà, on va venir plus avec des sujets plus précis et jouer autour de ça, quoi. Voilà. Ah ouais, et vous allez parler de Wolfenstein 3D et de comment c'est agréable de tuer des nazis dans Wolfenstein 3D. Je sais pas si on va parler de Wolfenstein 3D. Je sais bien. Mais bon, c'est vrai que c'est gros, c'est plus grossier Wolfenstein, quoi, dans l'idée politique du truc. Ah bah oui. C'est carrément ça. Et voilà, on a une nouvelle équipe cette année. On sera plus avec Lina on l'aura que de temps en temps au téléphone comme aujourd'hui, et il y aura Quentin Luxor du Nord qui lui aussi a plein de choses à dire là-dessus, et on sera aussi avec du coup Alex aka Avril Lagouine, et voilà, on sera une petite équipe de trois et on a hâte de vous donner toutes nos idées, tous nos petits sujets, quoi. C'est quand la prochaine émission? Dimanche 26 novembre. Le 26 novembre à 19h. Tout à fait, c'est ça. Et ce sera ensuite tous les derniers dimanches du mois, à la même heure. Au niveau de la forme un petit peu de l'émission, ça se passe comment? Il y a quoi dedans? C'est beaucoup de blabla? Vous passez de la musique Eh ben, on alterne. Hein. En fait, on fait une chronique, une partie d'émission. On essaye d'enchaîner avec des musiques un peu pour respirer. Et au milieu de tout ça, ce qu'on a fait dans la saison 1 et ce qu'on espère pouvoir refaire dans la saison 2, c'est surtout interviewer des gens qui ont pour métier de faire de la recherche dans le jeu vidéo. Parce que il y en a, mine de rien. Pour l'épisode sur le racisme dans le jeu vidéo, on a pu avoir Mehdi Derfoufi, qui est le seul chercheur dans cette thématique-là très précise du racisme dans le jeu vidéo. On a pu avoir une autre personne qui est une chercheuse dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolé, mais je vous invite à aller voir l'épisode qui est disponible sur Spotify, Arte Radio, Deezer et bientôt Spectre, qui est un hébergeur de podcasts. Une chercheuse qui fait une enquête dans les studios de jeux vidéo pour enquêter sur les problèmes liés au genre dans les studios, le harcèlement, le sexisme et tous ces questionnements. Donc on espère pouvoir refaire cette formule-là aussi, d'interviewer des gens qui sont vraiment impliqués dans la recherche, quoi, et ces questions-là. C'est marrant, ça m'avait assez fasciné à l'écoute de la première saison, justement, d'imaginer que dans le milieu du jeu vidéo, qui est quand même une sorte de grosse machine à fric, et du coup, avec tous les travers capitalistes que ça peut amener, c'est-à-dire d'exploitation, de logique de fonctionner aussi par rapport à un marché, de répondre à des attentes et tout ça, qu'il y ait ces questionnements-là présents et qu'il y ait même des gens qui fassent des recherches. Du coup, ça m'avait surpris. Du coup, j'avoue que j'attends votre deuxième saison avec impatience parce qu'en fait, c'est assez surprenant et forcément aussi questionnant parce que, faut le dire, maintenant... on est dans un temps où il y a deux courants. Il y a ce courant que maintenant on est gamer hyper assumé, on peut être gamer adulte hyper assumé et tout ça. Les jeunes sont hyper assumés et même c'est assez surprenant de discuter avec des jeunes ados qui sont hyper assumés et qui disent je vais en faire mon métier, ce qui était un truc par exemple moi à ma génération impossible et hyper exceptionnel. Et même un peu marginalisé et même très marginalisé, ouais. Et voilà. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a toute une autre génération là qui est hyper réac par rapport au jeu vidéo. C'est-à-dire qui a décidé que le jeu vidéo c'était un abrutissement des plus totales là comme ça, que les jeunes y passaient trop de temps devant leur écran et tout ça. Et du coup, il y a à fond cette ligne de conflictualité là, et aussi avec un jargon hyper codé du milieu du jeu vidéo, qui fait que même pour moi par exemple qui aime ça et qui suit encore en suivant des ados par exemple le monde du e-sport, et par exemple typiquement j'ai essayé de regarder des matchs de e-sport, je comprends pas. Rien même à ce que disent les commentateurs parce que du coup c'est très codifié, c'est même les noms dans les teams c'est codé. Dans les jeux vidéo il y a tout un jargon qui est propre à chaque jeu. Oui, c'est ça, c'est non seulement spécifique à la discipline mais aussi à chaque jeu. Chaque jeu a son propre langage, ouais. Et du coup, il y a quelque chose d'hyper excluant, et je trouve qu'il y a un enjeu aussi à créer du débat et de la parole là-dedans pour dire en fait, il se passe plein de choses là-dedans. Et il se passe plein de choses, moi je m'en suis rendu compte par exemple par rapport à mon temps des consoles. Là, je parle vraiment comme un vieux, c'est un peu flippant, mais du temps des consoles et maintenant qu'on est arrivé au jeu en réseau plus, et ben par exemple tout le truc d'abrutissement ou d'isolement, et ben c'est une donne qui est beaucoup moins évidente. Parce que derrière ça, le jeu vidéo, il permet... Moi, j'ai rencontré plein d'ados qui rencontraient plein de gens par le biais des jeux vidéo. Et même un ado qui est parti au Japon avec un type qu'il a rencontré sur un forum et qui a joué pendant 5 ans. Et en fait, ses parents, ils se sont rendus compte qu'il parlait super bien anglais parce qu'en fait, il est passé des heures et des heures sur ce forum à jouer aux jeux vidéo. Mais aussi à tout ce truc qui est un peu dit dans le milieu du jeu vidéo, c'est qu'en fait, les gens aussi qui jouent, ils développent des compétences et une réactivité aussi spéciale. Et que d'ailleurs c'en est même un peu flippant, mais par exemple l'armée elle en arrive à recruter des profils de gamers justement parce que ils ont une réactivité dans l'immédiat que aucune autre pratique ne permet de développer, quoi. Ah, intéressant, tiens, ça, je garde ça dans ma besace, peut-être pour une émission dans la saison 2. Là, et il y a notamment dans ces mêmes questions le jeu vidéo, enfin les nouveaux jeux vidéo avec les mondes hyper vastes et la 3D, apparemment permet un rapport à se repérer dans la 3D dans l'espace, dans la 3D virtuelle, que justement peu de gens développent dans la réalité. Et oui, tout à fait. Mais du coup, alors ouais, bon, même si tu joues à des jeux mobiles, t'as complètement laissé tomber la console, l'ordinateur, et t'es que sur le téléphone alors. Non, j'ai encore une Master System branchée, mais parce que du coup, je voulais montrer à ma fille, mais la Master System, c'est un peu chronophage. J'ai encore une PlayStation branchée et j'ai récupéré une Wii aussi pour jouer à Super Mario Kart. Ok. Bon, c'est pas une partie de Wipeout, j'espère un jour tu m'inviteras. Et ben, j'ai pas Wipeout, ouais. Wipeout, je trouve ça. Enfin, je sais pas si j'arriverai à retenir, c'est quand même assez cardiaque. Oui, ben, en parlant de jeu cardiaque, je vais vous lancer une petite chanson. Merci beaucoup, Samuel. De rien. Pour qu'on retrouve plus tard, d'ici une dizaine de minutes, Lina, qui va nous parler du Peng Peng Club, que j'ai très mal présenté parce qu'en fait, je ne les connais pas vraiment. Et également nous présenter leur Game Jam, qui elles ont organisé l'année dernière. Qui a fait son petit effet. La Game Jam, c'est une semaine de marathon du jeu vidéo, où c'est une semaine où des codeurs et des codeuses professionnels ou amateurs vont créer un jeu sur une thématique donnée. Donc là, en l'occurrence, c'est le Peng Peng Club, il me semble, qui ont donné la thématique de l'entreprise, avec tout ce que ça peut apporter comme détournement de la part de ces codeurs et codeuses professionnels et amateurs. Et à la fin de cette semaine, ils présentent leur jeu tous ensemble, Omeliès, Jean Jaurès. Si je me trompe, Lina me corrigera. Voilà, donc là, la chanson que je vous mets, tu parlais de jeu cardiaque, c'est Doom Eternal, le thème principal. Moi, c'est mon jeu, mon FPS préféré de tous les temps. Il est sorti il y a 2 ans et j'y suis encore addict et j'adore ce jeu. La musique représente bien l'univers du jeu. Elle est brutale, elle est démoniaque et elle est sanguinaire. Tout de suite, le thème principal de Doom Eternal. C'était le brutal thème principal de ce brutal jeu qu'est Doom Eternal. Si vous aimez les jeux vidéo FPS, si vous avez même une nostalgie des précurseurs, hein, parce que Doom, c'était le premier FPS sorti à l'époque. Sur Nintendo NES, il me semble. Je vous invite à jouer à ce jeu. C'est un peu épileptique. Si vous êtes épileptique, je vous le déconseille fortement. Je vais lancer une petite chanson de Danger, un artiste stéphanois, on peut dire, Saint-Chamonnais, on peut dire encore plus. C'est Danger, The Beginning of Something. Et on se retrouve juste après ce track avec Lina du Peng Peng Club, qui nous en dira un peu plus sur l'assaut et sa game jam. Tout de suite, Danger. Toujours sur Radio Dio 89.5 pour l'émission Gaming et Politique, une émission spéciale. Je tiens à préciser que ce n'est pas le premier épisode, mais c'est Samuel qui m'a proposé de venir pour un peu introduire la saison 2, mais surtout pour parler du jeu vidéo à Saint-Étienne pour cette semaine spéciale qui s'appelle Furania. Et d'ailleurs, pour expliquer un peu ce qui se passe à Saint-Étienne, j'ai appelé Lina, qui a fait partie de l'équipe la saison dernière et qui participe à la Game Jam, et il me semble que c'est avec le Peng Peng Club. Alors Lina est avec nous, est-ce que ça va Lina? Ça va et toi? Ouais, ça va, je te remercie. Alors Je connais pas trop le Peng Peng Club. Il me semble que toi, tu les connais un peu plus que moi. Tu crois que tu pourrais nous dire un petit peu qui sont, que font-ils, ce genre de choses? Tout à fait. Alors, le Peng Peng Club, donc, en tout cas dans la manière dont ces personnes se définissent, c'est un groupe de créateurs d'artefacts jouables. Donc, c'est deux personnes qui ont créé ce club il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et ça prend la forme d'une communauté Discord, où tout le monde est invité à venir participer, échanger avec les membres du club, où on développe des projets autour d'artefacts jouables, plus que de jeux vidéo. Et ça prend plein de formes de projets différents. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, du mot « game jam ». Donc, pour définir ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent, c'est un court temps de création d'un jeu vidéo. Donc, ça peut être sur une thématique donnée, ça peut être sans thème, ça peut être avec des contraintes. Enfin, ça prend vraiment des formes très protéiformes. Et avec le Peng Peng Club, on a fait et créé une game jam qui s'appelait « Corpo 8 ». Ouais, Corpo 8, du coup, j'imagine que c'est par rapport à l'entreprise et potentiellement la haine qui peut aller avec. Tout à fait. En fait, j'ai essayé de trouver d'autres termes, mais je pense que tu as très bien résumé le mood de cette game jam. Donc, c'était avec Axona, qui est aussi une personne faisant partie du Peng Peng Club. Et on a parlé de nos expériences professionnelles, personnelles, et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de développer une game jam, enfin d'inviter les personnes du Peng Peng Club à créer des jeux vidéo autour de la thématique du monde de l'entreprise. Et c'était uniquement la seule contrainte qu'on avait, c'est-à-dire que on avait 3 semaines de délai et on pouvait proposer quelque chose autour de cet environnement du monde du travail un peu utopique, dystopique. Et ça a donné des propositions hyper variées. C'est toujours hyper chouette de voir comment les personnes peuvent s'emparer de ce thème-là. Donc les jeux, ils sont disponibles sur itch.io, qui est une plateforme de jeux vidéo indépendants. Et ça a pris des formes différentes. On n'a pas tous utilisé les mêmes auteurs de jeux, on n'a pas tous voulu raconter la même chose. Les jeux ne sont pas de la même durée non plus. Il y a des jeux en 2D, il y a des jeux textuels, il y a des jeux 3D. Enfin, c'est vraiment empreint de la personnalité des membres du club, mais c'est très très différent d'un projet à l'autre. Ok, ça fait envie d'y jouer, des propositions autour de cette thématique-là, de l'entreprise dystopique, ça fait envie. Donc c'est sur itch.io, je rappelle aux spectateurs qui peut-être n'ont pas eu le temps de le noter. Donc cette game jam a attiré beaucoup de monde, est-ce que ça a mobilisé un peu de monde? Et il me semble que l'issue de la game jam, vous la faites au Méliès ou je me trompe? Non, pas du tout. Tout se fait de la même. Enfin, la plupart des interactions qu'on a se font de manière dématérialisée sur Discord. On a aussi des temps d'échange un peu informels, mais c'est vraiment très dématérialisé parce qu'on est un peu tous sur des localisations différentes en France. On a mobilisé une dizaine de participations, ce qui est déjà pas mal pour une game jam avec un thème aussi indépendant. Et il y a aussi la possibilité sur le itch.io du Peng Peng Club de visualiser les autres rendu des autres game jams. Il y a eu une game jam sur les années 2000, il y a eu plein d'autres choses qui ont été faites avant. Autrement, il y a un truc qui peut être chouette, le Peng Peng Club a créé une exposition en ligne sur Gettertown. Gettertown, c'est un espèce de forum, enfin c'est un peu que ça fonctionne comme une visio, sauf qu'on est un tout petit personnage trop mignon, un peu comme dans Habbo Hotel. Bon, après je pense que je parle à une génération particulière si je dis Habbo Hotel. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais... Ah bah, Habbo Hotel, oui, carrément, c'est ouais. Toute une époque, quoi. Donc sur le site du Peng Peng Club, vous pouvez retrouver l'exposition qui s'appelle Disco Parking Panic. Ça recense pas mal de jeux qui ont été créés pendant les initiatives du Peng Peng Club. Et en plus, vous êtes dans Gettertown, donc vous pouvez vous balader sous la forme d'un petit personnage et jouer à plein de jeux vidéo, enfin, c'est trop chouette. Ok, ça a l'air... Ça a l'air chouette. Donc, tu m'as dit Gettertown, et le nom du jeu, c'est... Alors, c'est une exposition vidéoludique. Ça prend, en fait, c'est comme si vous étiez dans un espace virtuel et vous baladez d'univers en univers. C'est une exposition virtuelle. Ça a été imaginé comme ça. Et vous pouvez jouer sur des bornes d'arcade à tous les anciens jeux du Peng Peng Club. Ok, bah merci beaucoup Lina. Du coup, par rapport à nous, aujourd'hui, dans cette émission spéciale, c'est évidemment thématique à Saint-Étienne. Donc tu crées aussi, toi, des jeux à Saint-Étienne. Est-ce que tu as l'impression que c'est Saint-Étienne, c'est un peu un vivier de création indépendante? Est-ce qu'il se passe des choses? Est-ce que tu es entouré de personnes qui, comme toi, créent indépendamment des jeux autour de toi? Alors, pas vraiment. Puis je pense que je suis un peu dans une niche. Je fais du jeu indé. J'ai pas forcément non d'affinité ou de réseau autour de moi à Saint-Étienne de personnes qui font des jeux. C'est vraiment sur Discord que j'ai trouvé une communauté. Mais j'imagine qu'il y a plein de gens super chouettes qui font des jeux autour de moi, mais que je les connais pas encore. Écoute, sûrement, je sais pas non plus. Je sais juste qu'il y a Angel Corp, du coup, qu'on a interviewé, qui est le seul studio de développement sur Saint-Étienne pour l'instant. Apparemment, que ça risque de changer. Je sais pas, tu les connais, toi? Tu en avais entendu parler? Ouais, j'ai déjà participé à une table ronde sur le jeu vidéo à la Comète et j'avais rencontré Fabien à ce moment-là. Oui, je vois ce qu'ils font. Après, moi, je suis toute seule, j'ai pas de studio encore. Ok, t'aimerais bien peut-être finalement travailler dans un studio en tant que créatrice? Franchement, non. Après, ça c'est un long débat. J'aimerais bien évoluer sur un autre modèle de rémunération, ça peut être avec un Patreon ou une communauté, mais être affilié à un studio, je sais pas. Oui, j'imagine. Et en effet, pendant l'interview, le community marketing, qui était la seule personne que j'ai pu interviewer avec le directeur, me disait que c'est un milieu très rude, avec des conventions, des codes très, très durs économiquement, et puis même au sein du travail. Et puis dans la saison 1, on a pu constater qu'il y a plein de dysfonctionnements quand même dans ce milieu. Donc j'imagine qu'en effet, ça ne fait pas très envie forcément. Non, franchement, c'est pas du tout ce qui me tente. Enfin, après, c'est aussi se dire, est-ce qu'on a envie que la passion qu'on a, elle soit rémunératrice, parce que ça restera toujours une passion. Mais là, je pense que c'est loin complètement du propos. Tout à fait, tout à fait. Restons sur les rails de Saint-Étienne. Est-ce que tu as des projets à venir, soit en création, soit en événement, comme la Game Jam avec le Peng Peng? Est-ce qu'il y a des choses qui sont sur le feu un peu, je peux te demander? Ouais, bien sûr. Je travaille sur un jeu qui s'appelle Fin de soirée, parce que en fait, j'aimerais bien faire plein de petits jeux au lieu d'essayer d'en faire un énorme qui soit fini. Ça s'appelle Fin de soirée, et en gros, c'est un petit légume, et tu dois absolument sortir de cette soirée qui tourne vraiment pas bon, quoi. Ok. C'est un petit jeu mobile, c'est juste pour m'amuser, et puis plein d'autres petits projets qui sont pas encore sortis. Ok, super, j'ai hâte de pouvoir y jouer, comme j'ai pu jouer à Forêt de Nuages, qui est toujours, j'imagine, dispo d'ailleurs sur Itch.io, ton premier jeu, qui est très beau, très onirique. On en a, je crois qu'on en avait un peu parlé dans la saison 1, moi j'avais streamé dessus sur ma chaîne Twitch, et j'invite les gamers en herbe à essayer sa création à Lina, qui était très belle. Merci. Bon, écoute, je te remercie, c'était un petit moment très court. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à la thématique qu'on a aujourd'hui, à ce qu'on s'est dit, des choses qui te viennent? Faites des jeux et finissez-les. Même s'ils ne sont pas bons, finissez vos jeux. Montrez-les et voilà. Ok, donc c'est un message à tous les créateuristes vidéoludiques stéphanois. Faites des jeux, finissez-les. Merci beaucoup, Lina. Et à bientôt. J'espère qu'on pourra quand même te revoir de temps en temps dans la saison 2, même si tu n'as pas trop le temps. Avec plaisir, tu vas voir. Merci beaucoup. Ok, merci. Salut, Lina. Voilà, alors je vais vous laisser. C'était l'émission spéciale Gaming et Politique. Merci Samuel d'avoir proposé et puis accueilli cette émission thématique Furania. Encore une fois, c'est l'après-rentrée. On vous invite à la vraie rentrée avec toute l'équipe. Avril Lagouine, Quentin. Donc Quentin à Luxor du Nord qui sera la nouvelle team, quoi. Ce sera moi, Adrien, Avril Lagouine et Quentin. Le dimanche, 26 novembre à 19h pour le premier épisode de la deuxième saison de Gaming et Politique. Dernier appel avant que je vous laisse sur les magnifiques bandes de Radio Dio 89.5. La première saison est disponible sur Spotify, Arte Radio, Deezer et bientôt sera proposée sur une plateforme de podcast qui se nomme Spectre, que vous connaissez peut-être, que je vous invite à aller voir. C'est une plateforme militante de podcast. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez appris des choses sur ce qui se passe à Saint-Étienne en termes de jeux vidéo, parce qu'il y en a, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. avec ce beau message que nous a laissé Lina et cette interview d'Angel Corp. Merci beaucoup, salut et à très vite.